Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 13e. Voyage de 1610. Champlain part de Honfleur. Sa maladie en mer. Retourne au Havre. Part de nouveau pour Québec. Courte traversée. Rencontre de Duparc. Colon de Québec en bonne condition. Réjouissance à l'arrivée de Champlain. Tabagie des sauvages. Traite et guerre. Rendez-vous des Montagnais aux Trois-Rivières. Rencontre des Iroquois à l'embouchure de la rivière du Richelieu. Bataille. Champlain blessé. Iroquois vaincu. Réunion des sauvages au cap de la Victoire. Échange d'un Français contre un jeune Indien nommé Savignon. Champlain décide de repasser en France. Duparc commande en son absence. Traite de 1610, infructueuse. Champlain songe au mariage. Contrat de mariage avec Hélène Boulay. Champlain fit voile de Honfleur le 16 mars 1610, amenant avec lui 11 artisans qui, ajoutés aux 15 hivernants, allaient porter à 26 le nombre des hommes de l'habitation. La tempête contraignit le vaisseau à relâcher à Portland, sur la côte méridionale de l'Angleterre, puis à l'île de Wight, où on cherchait un meilleur havre de refuge. Mais la brume s'étant levée, l'on dut mouiller avant de s'y rendre. Ce fut pendant ces allées et venues, occasionnant un retard forcé, que Champlain fut frappé d'une maladie assez sérieuse qui l'obligea à se faire transporter en bateau jusqu'au Havre pour s'y faire soigner. Dans l'intervalle, il apprit que des marais, gendres de Pont Gravé, se préparaient à partir pour le Canada. Cette bonne nouvelle l'encouragea beaucoup, car il espérait se rétablir assez promptement pour le suivre à l'heure fixée. Mais le vaisseau qu'il avait abandonné à travers les brumes de la Manche était revenu à Honfleur afin d'y prendre le lest qui lui manquait pour se mettre en bonne assiette. Comme cette opération nécessitait plusieurs journées de travail, Champlain eut tout le temps nécessaire pour se remettre sur pied. Et le 8 avril, il dit une seconde fois adieu à Honfleur, bien qu'il fût encore faible et débile. La traversée de l'Atlantique fut une des plus courtes dont les annales de l'époque fassent mention. Le 25 avril, le vaisseau entrait dans la rade de Tadoussac. D'autres y étaient rendus depuis le 18. Ce qui ne s'était vu, remarque Champlain, à ce que disaient les vieux mariniers qui voguent ordinairement aux 10 pays. Cette réflexion de Champlain, basée sur des témoignages de véridiques, prouve que, depuis plus d'un demi-siècle, les pêcheurs français n'avaient pas cessé d'explorer les côtes du Saint-Laurent. Le Basque Savalette, qui faisait la pêche sur le littoral acadien depuis l'année 1565 ou environ, est bien propre à confirmer les témoignages des vieux mariniers. C'était le peu d'hiver qu'il y avait fait, ajoute Champlain, et le peu de glace qui n'empêchèrent point l'entrée des 10 vaisseaux. La raison que donne Champlain de cette venue hâtive de la flottille française ne doit pas s'entendre d'une manière générale, comme la crue d'Escarbot, car il s'agit d'un cas particulier, exceptionnel. En arrivant à Tadoussac, Champlain rencontra Duparc qui avait hiverné à Québec avec Chauvin. Ce fut un plaisir pour lui d'en apprendre que tous ses compagnons avaient joué d'une bonne santé et que la maladie, n'ayant que peu sévi parmi eux, il s'était donné du bon temps. Les viandes fraîches ne leur avaient pas manqué, aussi, la santé y fut-elle aussi bonne qu'en France. Les sauvages attendaient anxieusement le retour des Français. Champlain leur rappela le projet arrêté entre eux de l'accompagner jusqu'aux Trois-Rivières, et de là, en un lieu où il existe une mer si grande qu'il n'en voit point la fin, puis de revenir par le Saguenay à Tadoussac. Ils lui promirent de le guider dans ce voyage, mais l'année suivante seulement. Champlain leur assura en retour qu'il les assisterait dans leur guerre contre les Iroquois, et il remit à plus tard son projet de se rendre en cette mer immense dont les sauvages Hurons et Algonquins lui avaient aussi parlé, comptant à bien plus forte raison sur ces derniers, dont le pays était beaucoup plus rapproché du Grand Lac que celui des Montagnais. « Si bien, dit Champlain, que j'avais deux cordes à mon arc, de façon que si l'une faillait, l'autre pouvait réussir. » Champlain ne passa que deux jours à Tadoussac et il continua jusqu'à Québec. Chauvin et ses compagnons étaient en bon état. Un capitaine sauvage du nom de Batiscan et plusieurs de sa bourgade l'y attendaient. Son arrivée fut l'occasion de grandes réjouissances au milieu de la petite colonie, moitié française, moitié indigène. Champlain fit tabagie aux sauvages et plongea, comme eux, l'écuelle dans la vaste marmite remplie de viandes apprêtées à leur façon. Les montagnais ne tardèrent pas à se montrer en route pour la guerre. Ils étaient 60 guerriers, choisis parmi les plus robustes. Leur grande inquiétude était de savoir si Champlain les accompagnerait de nouveau. Entre autres discours dénotant leur incrédulité à cet égard, ils tenaient celui-ci. « Voilà beaucoup de Basques et Mistigoches, c'est ainsi qu'ils appelaient les Normands et les Malouins, qui disent qu'ils viendront à la guerre avec nous, que t'ensemble, disent-ils la vérité? » « Non, leur répondait Champlain, je sais bien ce qu'ils pensent. Ils ne font de telles promesses que pour se procurer plus facilement vos fourrures. » « Tu as dit vrai, répliquaient les Indiens. « Ce sont des femmes. Ils ne veulent faire la guerre qu'à nos castors. » Champlain devait même, pour sauver la réputation de ses compatriotes, plus enclins à promettre qu'à tenir, observer vis-à-vis des sauvages le moindre de ses engagements, sans quoi il eût été mis au même rang que les Mistigoches, en qui les sauvages ne reposaient qu'une légère confiance. Leurs tromperies servirent mal leurs intérêts, car il advint que les Indiens ne voulurent plus trafiquer avec eux, si ce n'est en présence ou avec l'autorisation de Champlain. Confiant la parole du chef français, les montagnais de Tadoussac partirent pour Trois-Rivières avec l'entente d'un rendez-vous général à cet endroit avec les Français, qui devaient bientôt s'y porter en masse, les uns pour la traite avec Pontgravé et les autres pour la guerre sous la conduite de Champlain jusqu'à la rivière aux Iroquois. Les Hurons avaient promis d'envoyer 400 des leurs vers cette époque de l'année. Champlain se mit en route le 14 juin. À peine avait-il franchi 8 lieues en remontant le fleuve qu'il aperçut un canot et deux sauvages, dont l'un était Algonquin et l'autre Huron, qui lui dirent de se hâter, vu que 200 guerriers des deux nations arriveraient deux jours plus tard, lesquels seraient bientôt suivis par 200 autres commandés par Iroquois. Champlain les reçut dans sa barque et leur fit servir un bon repas. Devisant ensuite avec eux de guerre et de différents sujets particuliers à leurs pays respectifs, le chef Algonquin tira d'un sac une pièce de cuivre de la longueur d'un pied, dont il fit cadeau à Champlain, lui disant qu'il y en avait ainsi en quantité, là où il l'avait pris, sur le bord d'une rivière proche d'un grand lac, et que les naturels le faisaient fondre pour l'épurer, et puis le lamellaient avec des pierres dures. Quoique cette barre de cuivre n'eût pas une forte valeur intrinsèque, Champlain dit qu'il en fut content. Les montagnais étaient rendus aux Trois-Rivières quand Champlain y arriva. Le lendemain, 18 juin, tous ensemble partirent pour se rendre à la rivière aux Iroquois, où les autres sauvages devaient les rejoindre. Le jour suivant, les montagnais campèrent sur une des îles, en face de cette rivière. Le festin de rigueur allait commencer lorsqu'un Algonquin courut les avertir que les Iroquois, au nombre de 100, s'étaient fortifiés à une petite distance et qu'il serait difficile de les vaincre si les Français ne leur prêtaient pas assistance. Cette nouvelle jeta l'alarme dans le camp. Chacun courut à ses armes et à son canot, apportant dans leur fuite une précipitation et un désordre qui pouvaient leur être fatales. Champlain prit place dans un des canots qui eurent bientôt franchi les trois bras de rivière qui séparent l'île de la terre ferme. Les sauvages s'empressèrent ensuite de prendre le bois pour courir sus à l'ennemi. Dans leur affolement, ils ne s'étaient pas aperçus qu'ils avaient perdu Champlain et 5 Français derrière lui et sans guide. Obligés de marcher à travers des marécages, l'eau jusqu'à mi-jambe, dévorés par les moustiques, nos Français se seraient infailliblement égarés si deux sauvages, que le hasard conduisit dans le voisinage, ne les eussent aperçus et remis sous la guide d'un Algonquin qui avait rebroussé chemin pour venir à leur recherche. Il était temps, car les Algonquins et leurs alliés montagnais, ayant voulu forcer les ennemis dans leur retranchement, s'étaient vus repoussés avec perte. Champlain pouvait seul les tirer de cette position dangereuse. Les Français parurent bientôt sur le théâtre du combat, car leur zigzag à travers la forêt, ne les en avait éloignés que d'une demi-lieue. Champlain aperçut enfin la clôture palissadée derrière laquelle les Iroquois lançaient impunément leurs flèches acérées. Les premières décharges de mousquets ne produisirent aucun effet car les balles se perdaient à travers les branchages. Dès les débuts de l'action, Champlain fut blessé par une flèche qui lui fendit le bout de l'oreille et alla ensuite se fixer dans la peau du cou. Cette blessure ne lui fit pas perdre son sang-froid. Il prit la flèche, l'arracha et après l'avoir examinée avec une certaine curiosité, il la jeta à côté de lui. Il fit la même opération à un de ses hommes blessé comme lui. Cependant, les flèches continuaient à pleuvoir drues comme grêle. Les Français déchargeaient leurs arquebuses sans perdre un seul coup, car ils avaient pris le parti de les appuyer sur le bord des barricades iroquoises. Chaque fois qu'ils tombaient l'un d'entre eux, ils se jetaient par terre comme s'ils eussent été eux-mêmes mortellement atteints. Mais les munitions allaient manquer et le sort du combat restait indécis. Champlain prit le parti suprême de rompre la palissade à force de bras et de se jeter sur les ennemis pendant qu'ils étaient encore sous l'empire de la frayeur. Les uns reçurent l'ordre d'attacher des cordes aux piliers de bois qui soutenaient toute la construction et de les attirer à eux. D'autres devaient renverser une couple de gros arbres rapprochés de l'enceinte du fort, toujours dans le but de pratiquer une ouverture quelque part afin d'y faire éruption tous à la fois. Pendant que cette bataille traînait ainsi en longueur, les Français, qui étaient restés tranquilles au fond de leur barque, chargés de marchandises, avaient entendu, avec une indifférence peu excusable, la fusillade de leurs compatriotes. Un jeune homme de Saint-Malo, nommé Desprairies, plus courageux que les autres et plus sensible, voyant le danger que pouvaient courir Champlain et ses compagnons, se sentit tout à coup transporté d'indignation et reprochant aux autres leur inaction. « C'est une honte, » dit-il, « de laisser battre cet homme-là sans lui porter secours. » Quant à moi, j'ai trop d'honneur pour permettre qu'on me reproche une indifférence coupable. » Enhardis par cet appel, plusieurs sautèrent sur leurs arquebuses et, prenant une chaloupe, ils apparurent sur le théâtre de la bataille au moment où les assaillants n'avaient plus qu'à tenter un effort pour rompre la barricade. Champlain voulait en finir et, en conséquence, il enjoignait Desprairies et aux guerriers de la dernière heure de faire une fusillade bien nourrie pendant que les sauvages pratiquaient une brèche à travers le mur de bois qui protégeait les Iroquois. Cet ordre fut exécuté ponctuellement et au moment dit, 25 à 30 guerriers, tant sauvages que français, ceux-ci l'épée au poing, envahirent l'enceinte du fort, bien déterminés d'en finir avec ces barbares qui se croyaient invincibles. La résistance ne fut ni longue ni énergique. Se voyant chauffés de près, ils prirent la fuite dans toutes les directions. Mais bien peu échappèrent, car ceux qui ne tombèrent pas sous les coups des sauvages alliés coururent se jeter à la rivière pour s'y noyer. 15 furent faits prisonniers. Les assaillants avaient perdu 3 des leurs et ramenaient 50 blessés. Suivant une coutume invétérée, les vainqueurs dépouillèrent les crânes de leurs chevelures et les suspendirent à leurs ceintures, comme autant de trophées. Puis, tous reprirent le chemin qui devait les conduire à leur canot, abandonné sur le rivage du grand fleuve. Champlain fit panser ses blessures par un chirurgien nommé Boyer de Rouen, venu au Canada pour s'occuper de la traite des pelleteries. Tout ce jour-là fut consacré par les sauvages à des danses et à des chansons. Le lendemain, Pontgravé arrivait pour échanger ses marchandises avec les Indiens qui s'étaient fait annoncer. Pierre de Chauvin devait arriver quelques jours plus tard. Mais tous deux ne firent pas de grosses affaires car les marchands de Rouen, qui avaient été les premiers rendus, avaient aussi été les mieux servis. Ce qui fait dire à Champlain avec raison, c'était leur avoir fait un grand plaisir de leur être alliés chercher des nations étrangères pour après emporter le profit sans aucun risque ni hasard. À maintes reprises, le fondateur de Québec signale cette anomalie étrange. Les marchands de Rouen, de La Rochelle et de Saint-Malo, n'appartenant à aucune société, pouvaient faire le trafic sur le même pied que ceux qui avaient à supporter les charges de l'établissement de la colonie. Les sauvages étaient retournés à leur camp du Cap de la Victoire, où ils passèrent 3 jours à torturer leurs prisonniers. Iroquois les y joignit presque aussitôt avec 80 Hurons. De toutes ces nations, ils se trouvaient réunis sur cette île près de 200 indigènes qui n'avaient jamais vu d'Européens avant ce jour-là. Champlain avait amené avec lui à Québec, lors de son premier voyage, un tout jeune homme qui avait manifesté le désir de demeurer chez les Algonquins afin d'apprendre leur langue. Il crut que l'occasion était bonne pour contenter cette envie, et il le consulta de nouveau à cet effet. Le petit Français accepta volontiers l'offre de goûter la vie sauvage. Champlain s'en ouvrit à Iroquois qui, après en avoir parlé aux gens de sa nation, revint avec une réponse peu favorable. Après bien des pourparlers, au cours desquels Champlain rappela leurs promesses, ils finirent par s'incliner devant les bonnes raisons alléguées à l'encontre de leur prétexte pour refuser. Ils craignaient que ce jeune homme, venant à tomber malade ou à mourir, par suite du changement de régime, on ne leur cherchât noise ensuite. Ainsi poussés au pied du mur, ils consentirent à recevoir cet enfant et à le traiter comme un des leurs, mais à la condition que Champlain amènerait en France un petit Huron. L'échange fut accepté, et Champlain amena avec lui cet otage auquel il donna le nom de Savignon. L'escarbot nous apprend qu'il rencontra plusieurs fois, à Paris, le sauvage de Champlain. « C'était un gros garçon et robuste, » dit-il. Lequel se moquait voyant quelquefois deux hommes se quereller sans se battre ou tuer, disant que ce n'étaient que des femmes et n'avaient point de courage. Français et sauvages se séparèrent avec force protestations d'amitié. Ces derniers s'en allèrent du côté du Grand Sault et les autres prirent le chemin de Québec. En route, ils rencontrèrent Pontgravé sur le lac Saint-Pierre et le capitaine Chauvin conduisant une barque difficile à manœuvrer par sa lourdeur, laquelle n'avait pu, pour cette raison, se rendre au cap de la Victoire pour le temps de la traite. Pontgravé retourna à Tadoussac avec ses marchandises, ne sachant pas au juste encore s'il retournerait en France à l'automne. Chauvin s'arrêta à Québec, où il consacra les quelques semaines qui lui restaient avant son départ pour la France à réédifier quelques palissades autour de l'habitation et à y mettre tout en ordre. Dans l'intervalle, survint des marais qui avaient laissé Honfleur peu de temps après les vaisseaux de la Société. Ce fut une source de réjouissance pour tout le monde, car on commença à craindre qu'il ne lui fût arrivé quelque accident en mer. Champlain profita de sa présence pour aller consulter Pontgravé à Tadoussac sur la conduite à tenir pour l'hiver suivant. Celui-ci était dans l'indécision à savoir s'il s'en retournerait en France. Cependant, il avait écrit à Champlain qu'il était quasi résolu d'hiverner à Québec. « Si vous croyez mieux faire que moi, lui avait répondu ce dernier, vous ferez bien de rester. » Mais, quand Pontgravé eut entendu de la bouche de Champlain les raisons qui devaient l'engager à changer de résolution, il abandonna son projet. Des motifs d'ordre supérieur l'engagèrent à partir, car des navigateurs de brouage lui avaient apporté de tristes nouvelles. De Saint-Luc avait chassé les catholiques de brouage. Le roi avait été assassiné, et deux ou trois jours après, le duc de Sully et deux autres seigneurs avaient subi le même sort. Champlain avait appris ces nouvelles sans y ajouter trop de foi. Tout de même, il ne put s'empêcher d'en concevoir du chagrin. Avant leur départ définitif pour la France, Champlain et Pontgravé résolurent d'amener avec eux le capitaine Chauvin et de confier à Duparc le commandement du fort de Québec et des 16 hommes qui y restaient. On leur laissa des provisions de bouche en abondance. Les jardins promettaient une belle récolte. Le blé d'Inde, le froment, le seigle et l'orge qu'on y avait semé étaient en pleine croissance. La vigne seule avait manqué, faute de soins. Tout était donc en bon état à Québec quand Champlain en partit le 8 du mois d'août. 5 jours plus tard, le navire de Pontgravé quittait Tadoussac et après avoir fait escale à Percé, cinglait vers la France. Le 27 de septembre, nos voyageurs purent revoir Honfleur, la traversée ayant duré environ un mois et demi. Le deuxième voyage de Champlain n'avait pas contribué à relever les finances de la compagnie de M. de Mont. Le retrait de son privilège commercial avait eu pour effet d'amener dans les eaux du Saint-Laurent un plus grand nombre de navires marchands que d'habitude. Si considérable il fut, que la traite faillit complètement. « Cette année, » dit l'escarbot, « le refus fait au sieur de Mont de lui continuer son privilège, ayant été divulgué par les ports de mer, l'avidité des marchands pour les castors fut si grande que les trois corps cuidants, allés conquérir la toison d'or sans coup férir, ne conquirent pas seulement des toisons de laine, tant était grand le nombre des conquérants. » Le désastre fut tel que Champlain finit par dire que plusieurs se souviendront longtemps de la perte qu'ils firent en cette année. Son retour en France ne devait pas être étranger au règlement dont il parlera souvent plus tard, qui aurait eu pour résultat de mettre fin à ce déplorable état de choses. Car il saute aux yeux que tout son travail était dépensé en pure perte. Il se met pour le compte de M. de Mont et de ses associés, et les marchands étrangers récoltaient. Avant les entreprises de Demont, dit l'escarbot, les seuls sauvages des terres voisines de Tadoussac allaient trouver des pêcheurs de morue dans ce lieu. Et là, ils troquaient avec eux, presque pour rien, ce qu'ils avaient de pelleterie. Mais l'envie et la rapacité ont porté ces pêcheurs de morue jusqu'au saut de la grande rivière de Canada. Et Champlain ne saurait y aller, ainsi qu'il lui est arrivé au voyage précédent, qui naît une douzaine de barques à sa suite pour lui ravir ce que son travail et son industrie devraient lui avoir acquis. La liberté du commerce eut donc un résultat désastreux pour les marchands qui soutenaient Champlain et son œuvre de prédilection. « Je ne suis point au gage, dit celui, Demont, écrivait l'escarbot, pour défendre sa cause. Mais je sais qu'aujourd'hui, depuis la liberté remise, les castors se vendent au double de ce qu'ils en retiraient. Car l'avidité y a été si grande qu'à l'envie l'un de l'autre, les marchands y ont gâté le commerce. Il y a 8 ans que, pour des gâteaux ou des couteaux, on eût eu un castor, et aujourd'hui, il en faut 15 ou 20. Il y en a cette année, 1610, qui ont donné gratuitement toutes leurs marchandises aux sauvages afin d'empêcher l'entreprise sainte du sieur de Poutrincourt, tant est grande l'avarice des hommes. Tant s'en faut donc que cette liberté de commerce soit utile à la France, qu'au contraire, il y est extrêmement préjudiciable. C'est une chose fort favorable que la liberté du trafic, puisque le roi aime ses sujets d'un amour paternel. Mais la cause de la religion et de nouveaux habitants d'une province est encore plus digne de faveur. Tous ces marchands ne donneront point un coup d'épée pour le service du roi, et à l'avenir, Sa Majesté pourra trouver là de bons hommes pour exécuter ses commandements. Le public ne se ressent point du profit de ces particuliers, mais d'une nouvelle France, toute l'antique France ne pourra un jour ressentir avec utilité, gloire et honneur. Ce fut pendant l'hiver qu'il passa en France que le fondateur de Québec songea sérieusement au mariage. Il avait dépassé les 40 ans. Les voyages qu'il avait entrepris depuis 12 ans l'avaient sans doute empêché jusque-là d'unir son sort à celui d'une personne de son choix. Il est même surprenant que, même à cette époque de sa vie, consacrée à des déplacements fréquents, il ait pu mettre de côté toutes les considérations opposées à son mariage. Espérait-il se fixer définitivement à Québec, ou prévoyait-il qu'il lui faudrait abandonner à courte échéance toute idée de demeure permanente? Rien dans ses récits de voyage peut nous faire saisir quel était le fond de sa pensée à cet égard. Le nom de sa femme n'y apparaît pas même une seule fois. Mais, comme nous le verrons plus tard, il l'amena avec lui à Québec, où elle y séjourna 4 années. Puis, elle ne revint plus, et un grand silence se fait sur son nom jusqu'au jour qu'il a vu franchir les portes du cloître qui se refermèrent sur elle pour toujours. Hélène Boulay était fille de Nicolas Boulay, secrétaire de la Chambre du roi, et de Marguerite Alix, de la rue et paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris. Elle naquit vers 1598, et elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle contracta son union avec Samuel Champlain. Ses parents appartenaient au calvinisme. Elle avait été élevée dans les mêmes sentiments. Mais disons immédiatement qu'elle ne tarda pas à devenir une excellente catholique, d'après les sages inspirations de son époux. C'est lui-même qui l'instruisit dans la foi, et lui fit embrasser une religion à laquelle elle resta fermement dévouée toute sa vie. Le contrat fut fait et passé à Paris le 27 décembre 1610 et signé par Choquillot et Aragon, notaire et garde-note du roi, en son châtel de Paris, en présence de parents et d'amis des deux conjoints. C'était messire Pierre Dugast, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, etc., etc., ami, Lucas Legendre, marchand bourgeois de la ville de Rouen, aussi ami, Hercule Rouet, bourgeois de Paris, Marcel Chenu, marchand bourgeois de Paris, M. Jehan Rouernant, secrétaire de M. Demont, ami de Champlain, François Lassège, apothicaire de l'écurie du roi, allié et ami, Jehan Ravanel, sieur de la Merrois, Pierre Noël, sieur de Cossigny, ami, Maître Antoine de Murade, conseiller et aumônier du roi, ami, Antoine Marie, maître barbier, chirurgien, allié et ami, Geneviève Lesège, femme de maître Simon Alix, oncle d'Hélène Boulay, du côté maternel. La plupart de ses témoins faisaient partie de la société commerciale dont Pierre Dugast était l'âme. D'après ce contrat, Nicolas Boulay et sa femme s'engageaient à payer au futur époux, par avancement de voirie, la somme de 6 000 livres tournois, en dernier comptant le jour précédant les épousailles. Champlain, de son côté, donnait à la future épouse la jouissance de tous les biens qu'il pourrait avoir à sa mort. Deux jours plus tard, Nicolas Boulay fit remettre à son gendre 4 500 livres, le reste devant lui être payé plus tard. Les fiançailles eurent lieu dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 29 décembre, qui tombait cette année un mercredi. Et le lendemain, le mariage fut célébré dans la même église. Comme la jeune fille était nubile, elle dut retourner avec ses parents pour y demeurer 2 ans encore, jusqu'au terme fixé par le contrat matrimonial. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 13 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.